a dream. Sur Galaxy, 25 ans anniversaire toute la semaine, encore une après-midi pleine de grands moments qu'on a souvent vécu ensemble ou alors que vous allez découvrir peut-être pour la première fois. Einstein. FM. Hallelujah. Encore plein de bonheur pour un après-midi démentiel. Merci à vous d'être calé sur Galaxy 25 ans, fréquence 95-30. Avec un tube New Wave qui était énormément diffusé au tout début de la prise de diffusion de Galaxy sur 95-30. B-Movie, Normal Girl. We'll be right back. sur Galaxy. T'imagines, c'est le vrai Bézu. J'ai emmené le chanteur Hervé Villard au Boccaccio. Hervé Villard au Boccaccio. Tout le monde s'éclate. On va la cololo. Les meilleurs moments de l'émission, ce samedi, dès 21h. Joyeux anniversaire. Galaxy. Toute la semaine sur les ondes de Galaxy en 95-30. Bon après-midi, voici DMA. The diner on the corner. I am waiting at the counter.

Galaxy il y a quelques années, comme si vous y étiez. Voici tout de suite Bring It On Down, Derail. Don't you touch. 25 ans de musique électronique, comment ignorer les Pet Shop Boys à l'instant sur Galaxy avec un de leurs succès des années 90. C'était New York City Boy. 2h moins le quart, vous êtes calé Galaxy, 25 ans. Moving Melodies, tout de suite. Bruno Sanchoni et Emmanuel Taub derrière Plexus Cactus Rhythm, l'un des titres les plus diffusés au début des années 90 sur Galaxy 95-30. Celui-là aussi d'ailleurs. Cosmic Baby. Loops of Infinity. Bon après-midi à toutes et tous. anniversaire. Merci. Happy birthday. Call to the stage at this time. One of the greatest soul-stirring voices of the 20th century. Let's have the lumbaya! Galaxy, un des grands moments de 1992, Generations of Love, excellent après-midi, Galaxy à 25 ans. outside. Round the outside. You know it. Two buffalo guards go around the outside. Round the outside. Round the outside. Three buffalo guards go around the outside. Four buffalo gals go around the outside and do-si-do your partner. First buffalo gal. Gal. Gal. Buffalo. Buffalo. First. Outside, round the outside. Uh-huh. Three buffalo boys go around the outside. Peyote sur les ondes de Galaxy 95-30, incontournable évidemment. Bon après-midi à toutes et tous. Elias, Babyface, bon délire sur Galaxy, fréquence 95-30. Ce soir, à partir de 21h, vous pourrez entendre mixer comme à la grande époque DJ HS et Fifi, et ce jusque 23h. Sugar daddy, I just can't take this crazy life, life that you put me through. Don't know what I'm gonna do, don't know what I'm gonna do. I gave you plenty loving and plenty, plenty of it, but it seems it ain't enough for you. Oh, baby, don't know what I'm gonna do, don't know what I'm gonna do, don't know what I'm gonna do.